بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. تفسير سورة الفاتحة. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نيميرو 1. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ في هذا اليوم بهذه الرسالة المختصرة، رسالة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بعض فوائد من سورة الفاتحة. شرحها العلامة الشيخ الفاضل صالح الفوزان حفظه الله تعالى. فنكمل اليوم بإذن الله cette رسالة elle est résumée جدا et elle est مفيدة جدا. quelques pages لكن il explique, il donne des leçons à tirer de cette sourate, sourate al-Fatiha. Et هو المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله il va se concentrer sur التوحيد. وهذه السورة سورة في التوحيد كما سيأتي، توحيد الربوبية قوله الحمد لله رب العالمين، توحيد الألوهية قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات قوله عز وجل الرحمن الرحيم. المسلم يجب عليه أن يفهم هذا القرآن، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب ليقرأ، والمسلم يجب عليه أن يتدبر هذه الآيات. المسلم في بكسس وان سامب لكتور يقرأ للبركة كما يفعل بعض الضلال، يقرأ سنياس الأجر سنياس تكون. قال عز وجل فلا يتدبرون القرآن، فالمسلم يجب عليه أن يتدبر القرآن مدت حتى يعمل به، وبالأخص هذه السورة سورة الفاتحة. عليكم السلام ورحمة الله. المسلم إلا لتولجو dans ses salawat, salat al-fajr, salat al-duhr, إلى آخره. Et il récite cette surah. Cette surah, c'est ruknun min arkani salat. La tasihhu salat illa biha. قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. المسلم il doit comprendre 17 fois par jour les 5 salat فقط obligatoire, et tu récites هذه السورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. في هذه السورة يا دعاء إياك اهدنا الصراط المستقيم. فالمسلم il doit réciter et comprendre, et dès qu'il a compris il applique. فهذه السورة il y a des فوائد عظيمة ستأتي معنا. فالمسلم il doit donner l'importance لهذا القرآن. فهذا القرآن c'est كلام الله عز وجل. قال سبحانه وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. المسلم il donne l'importance لهذا القرآن. الله سبحانه وتعالى وصف هذا القرآن بالهدى، وصفه بالنور، وصفه أنه تبيانا لكل شيء، ووصفه أنه لا يأتيه الباطل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى il a préservé هذا القرآن de l'erreur, de la falsification, du rajout, du naqs. فإلى محفوظ حفظه الله سبحانه وتعالى. المسلم il profite. La première source في الإسلام c'est هذا القرآن. La première source, le musulman il comprend sa religion, c'est هذا القرآن. Avec la sunna, sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Le musulman il doit donner de l'importance. قراءة, il lit ce Coran. وحفظا, il apprend par cœur ce qu'il peut. على الأقل, على الأقل, pour faire ses salawat. Il donne l'importance كذلك, دراسة, et dans le tafsir. Pourquoi الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله رب العالمين. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi الحمد? Ça veut dire quoi لفظ الجلالة الله. وهكذا. Enfin, il donne l'importance. Il donne l'importance kadhalik fil amal. Il a lu un verset, il a stafet dans Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a ordonné bikada, il fait tant qu'il peut. Kadhalik, il donne l'importance da'wa bihada al Coran. Sa da'wa elle est basée sur hada al Coran. Il dit une chose, il cite les preuves dans le kitab ou dans la sunna. Les asaf kathir min al nas, ils ont une mauvaise compréhension. Imma ils pensent que la lecture ça suffit, ils lisent les barakah, comme ils disent. Imma d'autres ils n'essayent pas de faire les efforts. Ils lisent, c'est pas du tout ce qu'il lit. Il n'y a aucune différence pour lui entre alif lam mim et iyyaka kana abudu wa iyyaka nasta'in. Ça c'est triste, c'est triste. Tu dois savoir anta. Limada, tu demandes tous les jours. Mathalan, tous les jours on demande à Allah subhanahu wa ta'ala ihdina as-sirata al-mustaqim. Tous les jours. Surat Fatiha, ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. C'est quoi sirat al-mustaqim? Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala l'an qui te guide sirat al-mustaqim. Tu dois savoir c'est quoi, yuhal muslim, sirat al-mustaqim. Tu trouves Adan Nas, il demande à Allah tous les jours ihdina as-sirata al-mustaqim et il est à la une tariqa. Elle n'est pas moustaqima. Ça peut être un moubtadi', ou l'ayadu billah, ça peut être un mouchrik, ça peut être il est mouta'athir bi afkar al-gharb. Fa'al-an, akhi, tous les jours tu demandes qu'Allah te guide sirat moustaqim. Tu dois faire les causes. C'est quoi sirat moustaqim? Comme il dit Azza wa Jal, anna hadha sirati moustaqiman fattabi'uh, wa la tattabi'u subul, fatafarraqa bikum an sabil. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous montre anna yan sirat, sirat moustaqim. Un chemin il est droit, il est clair. Et en même temps, il nous met en garde contre des autres chemins. As-subul, comme dans le hadith, hadith ibn Mas'ud, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé un trait à l'ard et il a dit hada siratullah, sirat mustaqim. Et il a tracé des traits à droite et à gauche. Il a dit hadihi subul. Ça c'est le chemin d'égarement. Ala kulli ra's tariq shaytan. Il veut égarer les personnes. Fa anta, tu dois savoir ce qu'est hada sirat mustaqim. Qala Isa sallam, taraktukum ala al-bayda. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك استحديث تموت كالصراط المستقيم سلا السنة دي بخفة عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء أي البخفة صلى الله عليه وسلم يديش في ذلك سيسون فوا كلير بيضاء de nuit comme de jour, elle est واضحة. Le prophète صلى الله عليه وسلم قال tu prends ton din, قال الله قال الرسول. Ça c'est un exemple qu'on a donné avec ce verset فقط pour une surat al-Fatiha. أن للأسف كثير من الناس ils lisent comme تعلمون et tu vois que أحيانا tu trouves على المسلمين ce qu'ils font c'est مخالفة للقرآن. فبعض الناس الاختلاط بعض الناس والعياذ بالله الزنا بعض الناس المخدرات بعض الناس يعبدون غير الله يسفقون مسلم. Si l'on aurait compris cette surah فقط surat al-Fatiha il n'adorerait pas autre qu'Allah أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول في الفاتحة إياك نعبد سيأتي معنا أن قوله إياك نعبد أي جدغ الله سل إياك نعبد تقديم ضمير النصب في اللغة العربية يفيد الحصر الأصل سنعبد إياك الله سبحانه وتعالى يقول إياك نعبد أي وحدك لا شريك لك فتدخل بعض المسلمين للأسف يغسد سفيخسة ثم يلقاش بغنتم ثم يفيد طواف تغدنتم ثم إلى problème maladie, problème dans sa famille, il a akhiré, il va, il demande un mort. Tout le monde, tu le trouves, il fait salat. Il dit, il y a qu'un a'boud. Fahada l'an, la yajouz, wa la yu'aqal. Hatta dans la raison, ça ne rentre pas. Kaif, tu dis une chose, tu demandes une chose, et après tu fais l'inverse. Fahada, imma, c'est un manque de compréhension, wa l'ayadu billah, il lit le Coran à la djah, et c'est le cas de kathir min al-nas, imma, il s'est le haq, il le khalif. Fahada, c'est grave. Fahada, kul l'ihal, نحن بإذن الله عز وجل وراء étudier cette risale, étudier نعم les leçons qui va nous donner Cheikh l'Islam et qui va expliquer Cheikh l'Fawzan, ça va être خاصة في التوحيد. Et sur la Fatiha, c'est في التوحيد. Du début à la fin, c'est في التوحيد. فلعل الله سبحانه وتعالى cette risale nous donne des forces pour étudier al-Baqi. Étudier al-Baqi, لأن sur la Fatiha, elle est importante جدا. Elle est importante جدا, كذلك القرآن. La personne, dès qu'il a compris le Fatiha, et après, il étudie le Coran, s'il peut. S'il a la capacité, il étudie. Juz Amma. Hakada. Juz Amma, il avance petit à petit, petit à petit. Hatta yaftah Allah alayh. Et il cède bi tafasir ahl sunnah. Tafasir ahl sunnah. Ta'lamouna anna le Coran, il a une explication. Al ulama, rahimallahu al amwat minhum wa hafidha al ahya, ils ont expliqué ce Coran. Anta ayyuha al-muslim, tu dois comprendre ce Coran comme ils l'ont compris ahlul ilm, comme ils l'ont compris salaf. Tu comprends pas à ta manière. Abadan, wahdhar min tafasir ahl al-dhalal. Ba'd ahl al-dhalal, ils ont des tafasir khatira jiddan. Fa la personne il lit et il cède de tafsir ibn Jarir al-Tabari rahimahullah al-imam al-mufassiri. Kadhalik تفسير ابن كثير c'est من احسن التفاسير et il a résumé تفسير ابن جرير تفسير ابن جرير il a imprimé en plusieurs volumes الان une dizaine de volumes هكذا ابن كثير il a résumé تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله من أعظم التفاسير كذلك إسد تفسير الإمام السعدي رحمه الله عن تفسير تخسم إلي غزمي حتى الآن إلي أبخيمي أن فوليوم كما تعلمون أن غرو فوليوم لفورما كما ديكسيونار إلي أبخيمي طالب علم إسد هذا التفسير تفسير مؤلفه الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إلى على عقيدة السلف كما تعلمون ويحذر من تفسير الجلالين يحذر من تفسير الجلالين تفسير الجلالين إلى غيبوندو الآن في الأمة حتى دون دي موسكي بوكو دو مصحف لا حاشية سور لو مصحف يا لا باج يا الفيرس لا باج دو قران افيك لي فيرسي سور لو كوتي يا ليكسبليكاسيون التفسير هذا ceux qui l'ont écrit جلال الدين السيوطي الآخر جلال الدين أنو جلال الدين سبسان لو أبلي تفسير الجلالين هؤلاء إذا من عقيدة أشعرية فتبا تخبي يؤول الصفات أو يحرف الصفات المسلم يحذر يحذر قال عز وجل بل يداه مبسوطتان فتبا تخبي بعض المفسرين عند هذه الآية بل يداه مبسوطتان أنت لا لسوم تجيغ دستو آية سك الله سبحانه وتعالى إلى دم يداه دم فالمسلم il a une aqida, aqida du salaf, en Allah il a deux mains. Ça ne ressemble pas aux mains des créatures, abadan. Bien, le Coran nous explique, laïsa kamithihi shay. Lakin il a deux mains. Comment elles sont, Allah alam. Est-ce qu'il a deux mains, na'am? Est-ce qu'elles sont comme celles des créatures, abadan? Lakin tu trouves, tafsir jalalayn, matalan, bal yadahu mabsoutadan, ils vont t'expliquer la qudra, ou sa rahma. Tahrif. Allah dit yad, le mufassir il explique avec la force ou avec la puissance ou avec la... ça c'est du tahrif. Vérifie tafsir ibn Kathir, tu verras que l'yad c'est l'yad. L'yanna ibn Kathir il a à la aqidat ahl sunnah. Ihdhar min tafasir ahl al-dalal. Wa ihdhar ihdhar akthar min tafsir Sayyid Qutb. هذا سنتفسير مليء بالضلال سنتفسير ديغارما والعياذ بالله في وحدة الوجود في تعطيل الصفات الاشتراكية سب الصحابة سب بعض الأنبياء فسنتفسير ضلال et il est répondu الآن جدا فالمسلم يحذر tu lis pas tout tu lis les livres qui sont على عقيدة السلف أما هذا الكتاب الضلال ما أبعده من منهج السلف ويجد تكفير واضح فيه تعلمون حال سيد قطب منحرفا ضال العلماء يزبين صحا المسلم يحذر tu vas voir que cette petite رساله tu vas tirer des فوائد عظيمه باذن الله لماذا لان لوتر الامام محمد بن عبد الوهاب celui qui a écrit et الشارح c'est من علماء العصر الشيخ صالح الفوزان tu vas trouver que tu auras une رساله résumée et des فوائد عظيمه et c'est ça نحن l'essentiel اما on a des tafasir de 15 volumes dans nos bibliothèques et c'est la poussière qu'on profite, t'as aucune faïda. Tu vas gagner quoi? T'as tiré quoi? Surtout, surtout, si tu médites sur la parole du prophète alayhi sallam, Al-Qur'an hujjatun lak aw alik. Ça peut être une hujja contre toi, yawm qiyama. La bibliothèque, il y a tafsir ibn Jarir, il y a tafsir ibn Kathir, il y a tafsir al-imam al-Baghawi, il y a tafsir al-imam al-Shawkani, il y a tafsir fulan. Et la personne, tu le vois, il fait aucun effort. Hatta al-Fatiha, il comprend pas. Ça veut dire quoi, yawm al-Din? Allah dit Malik yawm al-Din. Ça veut dire quoi, yawm al-Din? Si la personne ne sait pas, il se pose des questions. Il se pose des questions. Et ces questions, ça doit aboutir à un effort. Il applique, il cherche, il demande. S'il y a des doros, il assiste. Nahnu, ce qui nous intéresse, c'est on a une petite risala. Et on la comprend et on l'applique. Et hakada petit à petit. Amma Mubashara, la personne, il y a deux mois, elle est fait l'ilm. Alors, il y a deux mois, il est dans le din. Et il achète Tafsir ibn Jarir et il commence à regarder. Il ne comprendra pas grand-chose. Tafsir ibn Jarir, At-Tabari, rahimahullah, il cite les hadiths de l'isnad. Il cite les hadiths de l'isnad. Tu dois avoir déjà une base pour savoir c'est quoi le sahih du da'if. Wa hakada. At-Talib al-ilm, khasatan comme nous, le débutant, il commence par mitl hadhihi ar-rasa'il. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Hatta yafham. Wallahi, si tu as compris al-Fatiha avec cette risala, c'est ni'matun min Allah. Ni'matun min Allah alayk. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, an yuwaffiq al-jami'. Et on avait lu ma'a ba'd al-ikhwa tafsir. سورة الفاتحة للإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ستفسير جيد تفسير جيد حتى شغل العثيمين رحمه الله تعلمون إلى تفسير C'était des doros qui faisaient, rahimahullah. Et ils ont recopié les doros et les ont sortis en livre. Il n'a pas terminé le Coran, mais il a fait sur Kazir min, rahimahullah. Et on avait lu avec les frères, walillahi alhamd, tafsir al-Fatiha. On fait cette risala et en même temps, il essaye de lire Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen. Il est muhim jiddan. Kathir min al-ulama, ils expliquent cette surah, ils connaissent l'importance. Ils connaissent que chaque musulman. Mais on ne dit pas à tout le monde de connaître tout tafsir Coran. Là, هذا يصعب. On peut lire un verset min surat Qaf, min surat al-Ma'ida, min surat al-Nisa, et on a du mal à comprendre. Dans ce cas-là, on revient au tafsir, on lit, on demande. هكذا, petit à petit. Amma surat al-Fatiha, tu dois connaître chaque musulman. Les malades, les annas, tu la récites tous les jours. Là, tu comprends ce que tu dis et tu appliques ce que tu dis. Qala al-Imam, Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. Et on avait fait sa biographie, alhamdulillah, fi bidayat kitab al-tawhid. Qala rahimahullah, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin. Yajuz maliki yawmiddin wa yajuz maliki yawmiddin. Yajuz bil mad wa bi ghayri al mad. Qira'atan sahihatan. Kadhalik, on a pas cité anna min al-muhim, c'est que la personne y comprenne usul al-tafsir. Lian hadha al-tafsir ila des usul. Il a des règles. Al-ulama, rahimahumullah, ils ont mis des règles. Ils ont tiré des leçons du Coran et de la Sunna et ils ont mis des règles fi tafsir le Coran. Tu ne fais ça pas comme tu veux. Ça s'appelle usul al-tafsir. Et risala Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ma'roufa 'indakum muqaddimat usul al-tafsir. Important pour talib al-ilm qu'il étudie une risala fi usul al-tafsir. C'est très simple, c'est très résumé, quelques pages, mais il t'explique l'usul. Le Coran, tu le fais comme ça. Le hadith, il peut expliquer le Coran. Le Coran, il peut. Il a akhri. La langue arabe, le rôle de la langue arabe. La différence entre le Makki et le Madani. La différence entre al-Muhkam ou al-Mutashabih. Al-Nasikh et al-Mansukh. Il y a des versets, ils sont abrogés par d'autres. Et tu as des règles, hakada. Et ça facilite beaucoup pour comprendre le Coran. On donne l'importance à Had al-Kitab. Et pour le comprendre, ahsan wa ahsan, on saute le tafsir. Les ulama, ils ont mis ces usul comme ils ont mis des usul dans le fiqh. Comme ils ont mis des usul dans le hadith. Ce qu'on appelle nous l'an, mustalah al-hadith. C'est des usul dans le hadith. Comment reconnaître un hadith sahih ou da'if? Kadhalik, ils ont mis des usul dans la langue arabe. Qawa'id al-nahu. Si, matalan, le mot il est en début de phrase, un mubtada, il est marfou'. Et il donne des règles, hakada. Hada, al-tafsir, il a des usul. Il a des règles. Allah nous facilite dès qu'on fera une risala par matière, ce qu'on avait expliqué marra, une risala dans l'usul fiqh, dans mustalah al-hadith, dans le qawaid fiqhiyya, on essaiera de faire une risala dans l'usul al-tafsir. Il y a une risala tayyiba, celle de Cheikh Ibn Uthaymeen. Elle est mukhtasara fi usul tafsir, très simple, pour les débutants, elle est tayyiba. Kadhalik, et une des références, c'est risala de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, muqaddimat usul al-tafsir. Si Allah il nous facilite et on a la capacité, on essaiera bi'idhnillah azza wa jal de faire ça. C'est mohim, il y a ikhwan, l'inaya avec l'usul, l'inaya avec ulum al-ala, les outils. Souvent on vous conseille via ça, l'inna c'est mohim jiddan. On voit que ceux qui arrivent à avancer fil ilm, bien sûr avec l'ikhlas, la sincérité, al-amal bis-sunnah, et le bon comportement il a akhiré, tu trouves une des causes, c'est qu'ils ont donné de l'importance à ulum al-ala. Il a des outils. C'est pas hakada, il avance. Abadan. Il a des outils, il maîtrise la langue arabe, il maîtrise al-hadith, il connaît les règles du Coran. Il a akhiré, tu le trouves, il avance très facilement. Il a les outils. Un wahed, hakada, il tombe dans l'ilm. Sans outils, c'est comme un wahed, il tombe dans l'océan, hakada, il a rien. C'est un. Il va nager 5 mètres, 10 mètres, il peut se noyer. Hakada l'ilm. Mais s'il a des outils, petit à petit, il a des choses qui l'aident, il a akhiré, tu le trouveras tranquillement, tout doucement, bi'idnillah, il avance. Asa Allah subhanahu wa ta'ala, il nous facilite, on étudie hadihi al-ulum, ou shay minha. Qala al-allama, al-shaykh Salih al-Fawzan, qala bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amma al-kalam fil basmala taqaddab ma'ana kathiran. Qala alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, وعلى آله وصحبه أجمعين. قال هذه الرسالة تختص ببيان فوائد سورة الفاتحة. هذه السورة العظيمة. نعم. سين رسالة. إذا تغيد لصند سورة الفاتحة. قال سميت بالفاتحة لأنها افتتح بها المصحف الشريف. وهذا واضح. سورة التي أبلي سورة الفاتحة. سبيد الفتح مفتوح. Al-Fatih, celui qui ouvre l'ouverture. Al-Fatiha, c'est quelque chose qui ouvre. C'est la première surah fil mushaf, c'est l'ouverture du mushaf. C'est ça le sens de tasmiyatuha bil Fatiha. قال لأنها افتتح بها المصحف الشريف فهي أول سورة فيه وتسمى بالسبع المثاني نعم السبع المثاني شيخ الفوزان يبقى يكسبكي ما معنى السبع المثاني السبع المثاني c'est 7 versets 7 versets qui se répètent je les répète tous les jours dans tes salawats ils ont appelé cette سورة السبع المثاني قال لأنها سبع آيات قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الله سبحانه وتعالى وصف هذا القرآن بالعظمة il est عظيم tu dois donner l'importance à ce que Allah سبحانه وتعالى il a donné de l'importance هذا القرآن قرآن عظيم بهذا القرآن tu vas comprendre ton dîn بهذا القرآن بإذن الله si tu le lis tu l'appliques l'akhir tu vas être guidé بإذن الله عز وجل أما celui qui veut la guider dans autre que le Coran أعوذ بالله ça sera الضلال ça sera الضلال لأن الحق لواحد اللي في هذا القرآن وتعلمون أن الكفار يحاربون القرآن الكفار اللي حارب جغتهمه حتى الآن في هذه الآونة كثير منهم والعياذ بالله c'est devenu une mode عندهم أنهم يبغوا المصحف صلى الله العافية اللي يبغوا هكذا من شدة الحق tellement qu'il a la haine il sait que c'est le haq, ça le dérange les nassis le brûlent, c'est que ça le dérange laquelle mène shiddat al-hibd et ça le dérange, tu trouves l'un tasma' fil akhbar ila akhiri ou ahad ila brûler le mushaf ils appellent comment en français Jean autodafi hada c'est brûler les livres hada autodafi ahsan sallallahu al-afiyah هذا سجي كفر واضح المسلم يصبر لأن بعض المسلمين الآن أحيانا يفوي هذا الحماس من تلمو كزام القرآن يدتس الكفار إلى آخره سابو لي بوسي أفير دي شوز فالإنسان يصبر فالدعاء كونتخ لوي لا يضر ولا يضر القرآن أبدا أبدا القرآن اللي محفوظ إلا بغلي يوم القيامة الجزاء من جنس العمل سيفة التوبة أما على هذا الحال رب العالمين لأعلم به وبعمله هذا الشنيع الكفار حارب القرآن والله له حارب ليل نهار حتى للواكزون في الآن القوانين للغيبوليشون كيزون في كساسوا في أوروب وزتازوني إلى آخره pour combattre le christianisme الآن يكمبات بها الإسلام tout ça c'est pour حارب الكتب السماوية à l'époque ils combattaient le christianisme إلى آخره الآن vu que le christianisme il est خلاص il est mort Ils ont changé leurs livres, ils ont délaissé leur dîn. Al-An, il reste l'islam, dîn al-haq. Après la venue du prophète sallam, le prophète sallam, il a, avec ce Coran, il a abrogé tous les livres. Et had dîn, il a abrogé toutes les religions. Al-An, dîn al-haq, c'est le Coran. Tu trouves un nahaoula, il harab le Coran, jiddan. Hatta, ils ont inventé leur loi. La démocratie, la laïcité, tout ça, c'est pour harab le Coran. Yana, ils savent très bien. بعضهم هؤلاء الكفار ils ont étudié le Coran et ça ça doit pousser à المسلم بعض المستشرقين المستشرق ils appellent les orientalistes هؤلاء c'est un kafir et il étudie din al-islam هو il étudie pas pour l'appliquer parce qu'il l'aime là et il l'étudie parce qu'il faut l'étudier عندهم ils sont obligés de connaître هذا الاسلام pour le combattre انتبه ils l'apprennent pour le combattre Tu trouves à l'Mushrikin, wallah, ils ont des tafasirs. Tafasirs, ils essayent de comprendre pourquoi il a créé. Ils combattent, ils savent très bien l'islam à quoi il appelle. La tartar, dès que t'as kafir, ils disent l'islam c'est une religion de paix, c'est kada. Ils essayent de faire croire que l'islam. Ils connaissent très bien le verset fi al-bara min al-shirk wa min ahli. Eux, ils le combattent min hada al-bab. Anta yu al-muslim, ça doit te pousser anta à t'étudier le Coran pour l'appliquer. Eux, ils l'étudient pour le combat. Anta, tu l'étudies parce que tu l'aimes, tu l'appliques, il a akhri. Nous, ce qui nous fait du mal, c'est hada al-kasal. Wallahi, ce qui nous fait du mal, c'est la fainéantise, nous. Tu trouves un musulman, si c'est un musulman, wallah, il aime le Coran. Personne ne peut dire le contraire. Ben, dès qu'il entend un kafir, il l'a brûlé, ça lui fait du mal. Lakin, nous, ce qui nous fait du mal, c'est la fainéantise et c'est dunya. Dunya. Tu trouves ce musulman, il aime le Coran, il a akhri. Lakin, faire le pas. De l'étudier, d'apprendre, de demander, c'est autre chose. Amma, quand c'est dans le dunya, t'as la moune les efforts qu'on fait. Bardana, s'il travaille 8 heures par jour, 10 heures par jour, akthar. Bardana, s'il travaille 7 jours sur 7, pour de l'argent. On ne dit pas que c'est haram, nous. Lakin, la personne, il doit donner du temps à te dire. Et il doit donner du temps à ce mushaf, à ce Coran. Khasatan, dès que tu sais, un al-kuffar, ils lui donnent du temps jiddan. Al-Kuffar, ils ont mis des personnes mutakhassis à l'ihad. Al-Mustashriqoun, ils étudient le Coran et le Sunna et ils doivent comprendre. Il sait très bien que les musulmans n'ont rien compris dans le Coran et le Sunna. Il le sait. Enfin, ouais, il est parti directement aux sources et il essaye de comprendre. Et ça leur fait du mal et ils le combattent. Enfin, ayyuha al-Muslim, donne du temps à le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala قال والقرآن العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala وصفه بالعظمة. قال فهي السبع المثاني. قال الشيخ الفوزان وقيل سميت بالمثاني لأنها تكرر قراءتها في كل ركعة. ولا مانع لي دو سبع مثاني. سبع verses et ces sept versets ils sont répétés. هذا معنى السبع المثاني. قال وتسمى أم القرآن لأنها أم الشيء. Et ça c'est مهم. Ça c'est مهم. أن هذه الفاتحة c'est أم القرآن. Ça te montre l'importance de connaître هذه الفاتحة. قال الشيخ الفوزان الأصل الذي يرجع إليه الشيء. القرآن يرجع في معانيه إلى ما تضمنته هذه السورة. نعم. Tout le Coran il revient à cette sourah. Tout le Coran. Le sens des versets du Coran, ça revient à la Fatiha. Enfin, si tu as compris la Fatiha, tu vas avoir compris une grosse partie du Coran. Tu auras compris le Tawhid, tu auras compris c'est quoi un Sirat al-Mustaqim. Tu vas remarquer qu'il y aura trois gros points dans la Fatiha. Le Tawhid, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Tu vas voir que هذه الفاتحة va te montrer c'est quoi le manhaj al-haq, al-sirat al-mustaqim, أي la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام إلى آخره. Le troisième point, الولاء والبراء. قال عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء تلزم اتسيد الاسبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما في سورة النساء. هؤلاء تلزم سبسكت دمض الله كي تجد شغل شنا اهدنا الصراط المستقيم وبابوخ سكوا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هؤلاء تلزم في الله لبروفات إلى آخره. ثم قال عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم تدمد الله سبحانه وتعالى كي تخزف دو شمد هؤلاء المغضوب عليهم الله إلى كل أخ اليهود et ceux qui suivent اليهود ولا الضالين النصارى الكريتيان إلى آخر. Ça te montre en hadith surah elle englobe trois sujets muhimma التوحيد والصراط المستقيم المنهج الولاء والبراء. شيخ الفوزان va expliquer هذا. Et tu trouveras كثير من سور القرآن dans la plupart سور القرآن il parle de هذا. إما il parle توحيد, إما il parle جزاء أهل التوحيد, إما il parle celui qui خالف التوحيد, إما il parle de surat المستقيم, إما il parle de الولاء البراء avec le jihad et l'akhir. Tu trouves le Coran دائما حول هذا. La surat al-Fatiha va t'expliquer ces trois choses. قال وتسمى بالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروي عن ربه أن الله جل وعلا يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين يعني الفاتحة. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لا بلي الصلاة قال عز وجل قسمت الصلاة. المراد هنا الفاتحة لأن la suite du hadith elle va montrer أن ce qui a été partagé en deux c'est الفاتحة entre الله سبحانه وتعالى et son serviteur. قال يعني الفاتحة فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة كما تقدم معنا في رسالة شيخ العثيمين. فمن النود الفاتحة الصلاة الله إلا بل صلاة. قال وسورة الفاتحة سبع آيات ثلاث آيات ونصف منها لله les trois premières ça commence الحمد لله jusqu'à قوله مالك يوم الدين les trois premières آيات. ça te montre cette explication de Cheikh Al-Fawzan et le hadith qui te montre أن البسملة ne fait pas partie de la فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم ça ne fait pas partie de la فاتحة لأن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. الله dit j'ai partagé la فاتحة en deux entre moi et mon serviteur. ثم قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين ça te montre que le début de سورة الفاتحة c'est الحمد لله رب العالمين. قد يقول قائل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم البسملة c'est un verset du Coran. C'est un verset du Coran, mais il ne fait pas partie de la sourah. Il l'a fait, sourate al-Nam. Mais les autres sourah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est le fasl entre les sourah. Le sahih, min aqwal ahl al-ilm, que la basmala ne fait pas partie de la fatiha. Raja' كلام شيخ ابن عثيمين دص رسالة تفسير الفاتحة إلى expliquer هذا en détail. قال ثلاث آيات ونصف منها لله ثناء على الله عز وجل وثلاث ونصف منها للعبد. قال من قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة. نعم هذا واضح. قال فهذا معنى قوله جل وعلا قسمت الصلاة يعني سورة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. الآن شيخ الفوزان avant de rentrer dans l'explication il t'explique les noms. On a le premier nom أنها الفاتحة. كذلك on a أم القرآن. كذلك le troisième nom الصلاة. قال le quatrième nom قال وكذلك وتسمى بالكافية. قال وتسمى بالرقية لأن النفر من الصحابة الذين نزلوا على حي من أحياء العرب استضافوهم على كل الاستوار حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنهم ils sont passés, ils étaient de passage dans une tribu, ils ont demandé qu'ils restent dans cette tribu, يعني ils leur donnent l'hospitalité, ils mangent, ils l'affairent, فلا tribu ils ont refusé, ils n'ont pas voulu accueillir الصحابة. Le chef de cette tribu s'est fait piquer. فهؤلاء, cette tribu, ils ont demandé aux compagnons du prophète, est-ce qu'un de vous il sait faire ruqya? Ils ont demandé à As-Sahaba, ils ont dit naam. Abu Saïd, radiyallahu anhu, il lui a fait ruqya bil fatiha. Il a récité surat fatiha. Ruqya, fiha shifa. Et ça c'est une faïda lil muslim. Dès qu'il tombe malade, dès qu'il a un problème, il a akhiré, yarqi nafsa. أو يرقي غيره بالفاتحة. تشوف بعض الناس أحيانا يدرس الفاتحة يلسي دو أمنا راقي فوكيلو غسي سورة كذا أو يلسي دو بخون دي ميديكامو. نحن نسي ولله الحمد أن سوانيي سي حلال تنك se remettre tant que ce médicament il est halal. Là qu'il ne faut pas oublier hada. Tu peux prendre des médicaments et faire ruqya bil fatiha. Kadalik, tu peux faire ruqya tout seul. T'as mal à la tête, tu récites le fatiha. Ton enfant il est malade, tu récites sur lui le fatiha. Wa hakada. Fa fiha shifa. C'est pour ça que parmi ces noms, ar-ruqya. Aï, c'est un remède. Qala faludira kabiruhum. Faja'u yatlubuna min as-sahaba ar-ruqya. Hada. Le chef de la tribu a été piqué. Ils ont demandé à Sahaba, est-ce que quelqu'un il sait faire ruqya? فقال أحد الصحابة إننا نرقي ولكن أبيتم أن تضيفونا. هذا أحد الصحابة il a dit نعم on sait faire ruqya, لكن vous avez refusé de nous donner l'hospitalité. قال فلا نرقي إلا بجعل يعني بأجرة. الصحابي il a dit on fait ruqya لكن tu nous donnes كذا وكذا. T'as refusé de nous donner l'hospitalité. Alors, si on donne ruqya, tu nous donnes kada wa kada. قال فشرت لهم قطيعا من الغنم فقرأ عليه سورة الفاتحة فقام كأنما بعث من عقال. Ils leur ont donné, il leur a fait ruqya. Ce sahabi, كأنه أبو سعيد فيما أذكر. Il a fait ruqya. ثم ils leur ont donné en récompense un troupeau de bêtes. La personne هذا qui a été piqué, il s'est levé comme s'il avait jamais rien eu. Ça te montre أن القرآن فيه شفاء. الفاتحة parmi ces noms الرقية. قال فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما حصل فقال وما أدراك أنها رقية. الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد كما في الحاشية. قال فتسمى بالرقية. بإذن الله demain on continuera هذا. الآن on a fait une مقدمة مختصرة في التفسير et on a استفد les noms de الفاتحة. الفاتحة أم الكتاب السبع المثاني الكافية والرقية. هنا في سانكنو أي هنا أكثر راجع الإتقان أو البرهان في أصول القرآن إذن ستي كثير من الأسماء إلى هنا لدما نفس المكان هذا صبا أحسن من هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. مع تحية دماج افاخ.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.